L'actualité à brûle-pourpoint, Haïti Inter fait le point. On a tout essayé. Nous grignoter. Nous enfoncer. Nous électrocuter. Nous noyer. Nous siphonner. Il y a plus de 50 ans que cela dure et il n'y a pas de raison que cela cesse. On peut encore essayer de nous écraser, de nous mitrailler, de nous circonvenir, de nous calomnier, de nous acculer, de nous séduire, de nous acheter, de nous vider, de nous déformer. Il y a plus de 50 ans que cela dure. Y a-t-il une raison que cela cesse? Oui, une. Il faut que les choses changent en Haïti. Pour la liberté de la presse, Radio Haïti, au service du peuple haïtien. AM 1330, FM 106. Danny Toussaint prend-il les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages? Un groupe de hurleurs peut-il prétendre prendre en otage Radio Haïti pour forcer nos micros à diffuser leurs accusations diffamatoires contre d'honnêtes fonctionnaires publics et leurs propos racistes anti-mulâtres? C'est la question que nous nous sommes posés hier matin lorsqu'une quarantaine d'énergumènes bloquaient pendant 4 heures le boulevard de Delma devant notre immeuble. Hurlements, vociférations, pierres lancées contre notre façade, nos grilles violemment secouées. Devant notre résistance à leur terrorisme, ils s'en sont pris à ma personne, avec évidemment les slogans « Makout » contre les tirs rouges, contre les mulâtres, et patati et patatra. Des habitants du voisinage avaient tenté en vain de leur faire entendre raison. « Non, messieurs, Jean-Dominique a toujours été de notre côté depuis 1980, en 90, en 91. Sa façade en est témoin, les impacts de balles des putschistes. Et durant tout le coup d'État, Radio Haïti silencieux et Jean-Dominique et sa femme en exil. Les habitants du quartier ont tenté en vain de leur faire comprendre que ceux qui attaquaient Jean-Dominique, ceux qui attaquaient Radio Haïti et ceux qui attaquent Radio Haïti aujourd'hui sont toujours les Makout, les Duvalier, les Bennett, les Jean Valmé, les Constantin Maillard-Paul, les Cédras, les Michel François, les espions de grands bourgeois fabricants de médicaments empoisonnés, les Serge Beaulieu, les Gérard Georges, les Isidore Pognon, comme en 91, les Nanfi, les Réagala. Ces braves gens qui voulaient dire la vérité se sont fait tabasser devant les grilles de Radio Haïti. Tabasser. Alors, d'autres voisins avaient identifié les 2 camionnettes qui, venues de Pétionville, déchargeaient de temps en temps de nouvelles poignées de hurleurs. L'une d'entre elles a été identifiée, c'est le H5678. Vous voyez, on a ouvert l'œil. Chauffeurs et manifestants interrogés aussi disaient naïvement avoir reçu quelques dollars du major pour venir devant Radio Haïti. Le major, Danny Toussaint, bien sûr. Mais pourquoi Radio Haïti, grand Dieu? Durant la campagne déclenchée par Danny Toussaint contre Robert Manuel, Pierrot Denisé et contre l'état-major de la police, il circulait à Tabar la formule suivante. Bob Manuel, Pierrot Denisé et Jean-Dominique sont des tirs rouges. J'étais donc depuis assez longtemps la cible du parti de Danny Toussaint à l'intérieur de la famille. D'autre part, Au lendemain de l'opération de police Columbus, vous vous souvenez, une campagne visant à faire main basse sur la PNH s'était déclenchée dans tout l'espace médiatique putschiste de la capitale. On avait pu entendre sur certaines radios Jean-Claudistes, un jour, Bob Manuel attaquait le gouvernement. Le lendemain, Danny Toussaint et Jean-Claude Nord diffamaient Bob Manuel. Ces radios Jean-Claudistes n'étaient pas gênés de passer du jour au lendemain de l'un à l'autre en faisant tirer l'un sur l'autre. Nos ennemis saisissent toutes les occasions pour nous déstabiliser. Ici à Radio Haïti, durant toute cette campagne de diffamation, nous avons gardé la tête froide, opposant à ces brèches du code pénal, justiciables d'un tribunal correctionnel, et à ces attaques racistes, dignes du meilleur macoutisme, opposant notre ligne strictement professionnelle d'information. Notre silence et notre tenue avaient agacé Danny Toussaint et peut-être ses patrons. Bob Manuel, une fois révoqué, ce verrou qui bloquait les ambitions de Danny Toussaint ayant sauté avec une certaine légèreté, il faut le reconnaître. Danny Toussaint s'en est alors pris à Denisé et à Eucher Joseph à la cathédrale et aujourd'hui à moi. Ce qui circulait donc à Tabar se réalise. En me livrant à ces réflexions, je prêtais quand même l'oreille à ce qui se passait dans la rue devant ma porte, constatant que les graffitis contre ma personne, que les cris de haine proférés contre moi, que la correction infligée à d'honnêtes citoyens voulant dire la vérité sur moi, ne me caponnaient pas. Ils ont voulu alors négocier. Du haut de la terrasse, je leur fis savoir que je n'accepterais les excuses qu'ils disaient vouloir me présenter que lorsqu'ils auraient effacé tous les graffitis me concernant, ce qui fut fait immédiatement. J'acceptai alors de les écouter, d'entendre leurs excuses, mais je leur refusai le micro en leur disant de transmettre à Danny Toussaint le message suivant. Premièrement, Danny Toussaint a commis une première erreur. Celui qui vous a payé, leur ai-je dit, pour venir tenter de me terroriser, a commis trois erreurs. La première, samedi à la cathédrale. Il s'agissait pour lui et pour ses acolytes de profiter des funérailles de Jean Lamy pour organiser une manifestation accusatrice et diffamatoire. Certes, ils ont diffamé Pierre Denisé et Luc Cher. Certes, ils ont physiquement agressé le directeur général de la police nationale. Certes, ils ont profané, sous les yeux du père Jean-Bertrand Aristide, un lieu qui aurait dû être sacré pour tous, la cathédrale de Port-au-Prince, sacré pour les croyants et les non-croyants. Mais Danny Toussaint, malgré ses quelques avancées pour lui, n'a pu réunir qu'une poignée d'individus à l'intérieur de la cathédrale. C'était manifeste. Malgré la mobilisation tentée précédemment dans tous les médias putschistes, avant cette messe de funérailles, malgré ce qu'il disait de la sympathie populaire dont jouissait Jean Lamy, il n'y avait qu'une poignée de manifestants, des parents et des officiels à ses funérailles. Ah, cela est une nouvelle preuve de l'érosion tragique d'un certain pouvoir de convocation populaire qui se constate à Port-au-Prince depuis quelque temps. Croyez-vous que nos ennemis ne constatent pas cette érosion? Première faute commise donc par Danny Toussaint. En stratégie militaire, étaler aux yeux de l'ennemi la faiblesse de son dispositif est une faute parfois capitale, le mot capital pris dans son sens littéral. Danny Toussaint est-il un bon gendarme? A-t-il été un bon gendarme? La réponse ne me compète pas, mais il est certainement un très mauvais stratège. Deuxième faute. Enivré par le succès de la bousculade contre Pierrot Denisé et Luc Echer, Dany Toussaint se fait porter en triomphe sur les épaules de quelques-uns de ses hurleurs stipendiés sous l'œil énigmatique de Jean-Bertrand Aristide. Certes, les hurleurs voulaient de lui comme directeur général de la police, mais Titide, à l'œil perçant, sait décoder les ambitions et son sourire sibyllin en dit long pour demain. Mais ça, c'est leur affaire. Ce n'est pas la mienne. Je ne me suis pas battu durant 30 ans pour aujourd'hui décoder les querelles entre petits chefs de la famille Lavalas. La troisième erreur de Dany Toussaint, il venait de la commettre devant Radio Haïti en s'en prenant à moi. Réfléchissons un peu. Depuis la fin de l'opération Columbus, cette attaque déclenchée durant des jours dans tout l'espace médiatique pour amplifier ses diffamations, ses propos anti-mulâtres, comme le font traditionnellement les Macoutes, pour marteler sa diffamation qui n'est justiciable que du tribunal correctionnel. Or, s'en prendre à Radio Haïti, tandis que tout l'espace médiatique le supportait, l'applaudissait et le voyait monter. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement. Cet espace médiatique affirme contrôler tout l'auditoire. S'en prendre à Radio Haïti et vouloir forcer Radio Haïti à diffuser ses propos, cela veut dire une chose. Seul compte pour Dany Toussaint vraiment être entendu à Radio Haïti. Ah, j'ai réfléchi. La calomnie, disait Chauderlos de la Clos, est un hommage que le vice rend à la vertu. Et la deuxième conséquence, devant nos détracteurs, c'est de souligner l'indépendance, Lavalas de Radio Haïti, indépendance de tous les centres de pouvoir. Souligner. Revenons à la cathédrale. L'erreur de Dany Toussaint, pensant qu'un petit caponnage de quelques chimères JPP pourrait lui permettre d'avoir accès à nos micros, c'est sous-estimer deux choses capitales. Ici, on ne donne pas la parole à n'importe qui. On ne donne pas la parole à la diffamation. Surtout pas à la diffamation contre d'honnêtes fonctionnaires. Et au racisme, que ce racisme soit anti-mulâtre ou anti-noir, comme Olivier Nadal récemment le pérorait. Mais ils s'entendent. Ici, on respecte des règles. Nous savons que la vraie justice ne saurait s'exercer à partir de hurlements d'énergumènes plus ou moins bien payés. Nous savons que lorsque des cambrioleurs fuient la maison qu'ils viennent de piller, ils sont les premiers à crier « barrez volet ». Comment voulez-vous qu'un juge sérieux puisse prendre en compte ces barrés volets quand il enquête sur le pillage d'une maison? Soyons sérieux. Et puis, je me suis posé la question. Pendant toute cette campagne, déclenchée dans tout l'espace médiatique, Dany Toussaint ne m'a jamais appelé. Il n'a jamais appelé Radio Haïti, ni lui, ni Jean-Claude Nord, pour faire quelques déclarations que ce soit, ou pour exposer quelques résultats d'enquête qu'il affirme partout avoir réalisé après la mort de Jean Lamy. Jamais. C'est étrange ce silence. Et puis, il déchaîne quelques hurleurs pour me forcer à lui accorder le micro. La réponse est la suivante. Dany Toussaint sait parfaitement que s'il venait m'exposer à moi les résultats de son enquête, le professionnel journaliste que je suis lui aurait posé en privé ou publiquement, des questions qui souligneraient les contradictions contenues dans ses déclarations d'enquête. Il le sait, c'est pourquoi il préfère passer par la rue pour faire pression sur moi. Le meurtre de Jean Lamy, l'agression contre Mario Andressol, l'assassinat récent de dizaines de policiers, le meurtre d'Yvon Toussaint, l'agression meurtrière contre Marie-Claude Calvin-Préval, a provoqué et provoque chez nous, à Radio Haïti, l'indignation citoyenne et cette colère lavalasse, car nous nous sommes battus pour la justice, la transparence, la participation. Et nous accompagnons, comme tout le monde le sait, concrètement, avec un travail professionnel d'information de journalistes, la préparation du procès de Raboteau. Nous sommes peut-être les seuls dans l'espace médiatique à accompagner cette préparation. Mais pour nous, il n'y a qu'un sentiment qui nous anime lorsqu'un individu se sert du cadavre encore frais de son camarade pour faire campagne pour ses ambitions personnelles. Le spectacle de samedi à la cathédrale était pour nous tout simplement répugnant. Tels sont les éléments des messages que j'ai demandé à mes trois interlocuteurs hier de transmettre à Dany Toussaint. Je terminerai par cette dernière considération. S'il persiste dans cette tentative de vouloir mettre quelques hurleurs devant Radio Haïti pour barrer le boulevard de Delma, il se cassera les dents. Les micros de Radio Haïti lui resteront fermés. Mais je sais qu'il a des armes. Je sais qu'il a la fortune qu'il faut pour payer et armer des sbires. Ici, je n'ai d'autre arme que mon métier de journaliste, mon micro et ma foi inébranlable de militant pour le changement, le vrai changement. Et qu'il soit bien clair pour tous, je ne laisserai à aucun roulis-beurre du monde le monopole Lavalas, qui que ce soit. Si Dany Toussaint tente alors autre chose contre moi ou contre ma radio, et si j'ai la vie sauve, je fermerai le poste après avoir dénoncé une fois de plus ses manœuvres, et je prendrai une nouvelle fois l'exil avec ma femme et mes enfants. Une nouvelle fois. En 1991, des amis de Dany Toussaint ont tenté désespérément de faire d'appuyant sur Radio Haïti. Je suis résisté seul, avec ma foi, mon intelligence et mon expérience professionnelle. À l'époque, j'avais compris que derrière quelques politiciens qui préparaient le coup d'État, derrière des amitiés, parce que les uns et les autres de ces dissidents fréquentaient les salons de grandes dames de Lavalas, il y avait une volonté têtue manifestée par un individu, Isidore Poignon. J'avais compris. Le 30 septembre 91, et par la suite, Jean-Bertrand Aristide et René Préval m'ont dit « Tu avais raison, on voulait prendre Radio Haïti pour préparer le coup d'État. » Voilà. Aujourd'hui, je me pose la même question. Est-ce que c'est la même manœuvre? Le père curé de Dessalines disait dimanche, devant le chef de l'État, qu'il y avait d'anciens et de nouveaux putschistes qui tentaient de déstabiliser le pouvoir. En 91, j'avais dit à Jean-Bertrand Aristide et à René Préval, « Méfiez-vous de Cédras !» Titide affirmait, « Ah, Cédras et moi, on s'est mariés. Triste mariage, avec le sida. » Titide est têtu. Eh oui, il est têtu. Mais il doit comprendre que ce n'est pas sa personne seulement, ni son sens du pouvoir qui sont en jeu dans cette affaire. Sur Radio Haïti, rendu silencieux encore demain. Ah, ce sera un silence à réveiller les morts, les 5000 du coup d'État, entre autres. Ça, c'est la vérité qu'il faut dégager de cette insignifiante tentative de caponnage d'hier. C'est cette vérité-là qu'il est le bon de dire ce matin. La vérité d'un homme libre. Tout à l'heure, je citais un autre homme libre, Chauderlos de Laclos. Je termine avec Shakespeare. La vérité fait toujours rougir la face du diable. Merci. L'actualité à brûle-pourpoint, Haïti Inter fait le point. Radio Haïti, 1330 AM, 106 FM, l'écoute intelligente.